fait, j'entendais ta voix qui me disait que la vie est belle, mais où que tu sois, mes regards s'envolent vers toi. Reviendras-tu au fond de nos jardins, revive l'éternel printemps de l'homme.